merci pour l'invitation. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel, mais c'est vrai que dans mon résumé, j'avais évoqué le cas de mes recherches sur Toulouse, mais finalement, ça faisait beaucoup de choses à dire, donc je vais rester concentrée sur l'Égypte et la ville du Caire, qui n'est pas n'importe quelle ville non plus. Et donc, en introduction aussi, je voulais faire un petit point épistémologique sur l'histoire de la géographie, des religions, du religieux, etc. J'ai peur de manquer de temps, mais je pourrais peut-être y revenir après. En tout cas, il y a un article dont je me suis servi que je vais vous donner la référence. Et après, donc, mon exposé sera divisé comme ça en trois temps. Mais je vous redonnerai les parties. En introduction, c'est vrai que c'était, je me serais servi largement de cette référence qui a été publiée en 2013 dans un numéro spécial de revue des carnets de géographes. Donc c'est une revue en ligne qui date de 2013. Et donc l'éditorial qui a été rédigé par Lucine Endelstein et Frédéric Dejean, deux géographes, retrace bien en fait comment on est passé d'une géographie très descriptive en fait de la matérialisation du religieux, c'est-à-dire des lieux de culte, des hôtels justement, des chapelles, des signes religieux qu'on pouvait voir dans l'espace. Donc on s'est contenté de décrire beaucoup, de localiser, etc. Et puis petit à petit, avec l'évolution de la géographie même, on est passé à une géographie plus sociale, donc influencée par la sociologie beaucoup. Là, on a parlé de géographie de la religiosité, justement. On s'est intéressé vraiment au comportement religieux, etc. Et puis petit à petit, on est revenu à l'espace, parce que la géographie, c'est quand même l'espace qui est le cœur de son propos. Donc c'est l'étude des sociétés dans l'espace, mais on part de l'espace. Et puis il y a eu tout un courant dans les années plutôt 80-90, où on s'est intéressé non seulement aux pratiques des individus, des sociétés, mais aussi aux représentations, aux vécus, aux ressentis, aux croyances, etc. Et là, on est passé à ce qu'ils appellent une approche spatiale, c'est-à-dire pas seulement de la géographie, on s'est beaucoup inspiré des méthodes des sociologues, des anthropologues aussi, et moi aussi dans mes méthodes de recherche, une approche spatiale des faits religieux. Donc on n'est plus du tout dans ce qu'on appelait la géographie des religions, mais dans l'approche spatiale des faits religieux, donc qui englobe beaucoup plus de choses que ça. Dans leur conclusion, en fait, ils font émerger quelques thèmes en fait, qui sont principalement étudiés aujourd'hui. Et donc l'objet ville est particulièrement étudié aujourd'hui. Beaucoup plus la ville, la grande ville, la grande métropole occidentale des pays du Nord, etc. Le cosmopolitisme de ces villes, on s'intéresse à ces villes comme lieu d'innovation religieuse, comme laboratoire de nouvelles croyances, nouvelles pratiques, etc. Donc la ville, c'est pas seulement comme l'espace en général, c'est pas seulement un support ou un cadre, mais il a un rôle aussi, hein, cet espace urbain. Et le deuxième thème ou processus, en tout cas, qu'ils font émerger dans l'article, c'est la globalisation. Globalisation, mondialisation, pour insister sur des choses qui sont dynamiques, très dynamiques, évolutives, qui ne cessent de s'enrichir, de se modifier, etc. Donc là, je vais vous montrer aussi avec mes propres recherches comment finalement moi je me suis basée aussi sur ce processus de globalisation et cet espace urbain. Donc ce sont surtout mes travaux de thèse de doctorat en géographie qui ont fait émerger ces résultats. Et juste pour resituer un petit peu, j'ai travaillé donc sur le Caire et les migrants qui sont d'origine subsaharienne qui ont migré vers l'Égypte pour différentes raisons. Et j'ai essayé d'analyser en fait le rôle du religieux au sens très très large dans cette période d'attente au Caire. Et pour resituer aussi, donc mon directeur était Olivier Pliez, qui est géographe, mais aussi Jean-Pierre Albert, qui est anthropologue du christianisme. Donc voilà, et j'ai fait partie de deux programmes ANR aussi. C'est pas pour faire le CV, mais c'est juste pour dire que j'ai été baignée dans des équipes interdisciplinaires dès le début de ma thèse, donc avec surtout des sociologues et des socio-anthropologues du religieux ou des migrations. Et donc, ce qui a produit les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, beaucoup d'enquêtes aussi qualitatives, d'observations. C'était intéressant au début, comme vous disiez, j'ai beaucoup marché, en fait, observé, cartographié, pris des photos, et puis après, mené des entretiens, etc. Mais c'est vrai que c'était aussi ces mêmes méthodes-là. Alors... Il manque quelque chose, pardon. J'ai mangé une partie de mon diaporama. C'est bizarre, ça. C'était... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû supprimer des... Oui, j'ai supprimé en me levant, je pense, des diapos. Voilà, elles sont... Pardon. Alors, je vais être obligée de revenir sur le contexte... pour que vous compreniez bien le en tout cas pourquoi ces migrants se dirigent vers l'Égypte et ce qu'ils font au Caire, depuis combien de temps ils sont là, qui sont-ils, etc. Donc je vais essayer aussi d'être concise, mais je suis obligée de développer un petit peu pour planter en quelque sorte le décor. Alors c'est vrai que dans les années, au début des années 2000, on a commencé à médiatiser beaucoup toutes ces traversées en bateau de la Méditerranée, etc. On a beaucoup parlé de ces migrants africains qui se dirigeaient vers le nord, etc. C'est une période finalement où l'espace Schengen se durcit, où la police de Frontex devient plus sévère aussi, et où finalement les flux migratoires sont de plus en plus, en tout cas les migrants prennent de plus en plus de risques et empruntent des itinéraires plus dangereux qu'avant. En fait, il faut savoir que je vais vous montrer avec la carte. Le Sahara, bien sûr, est un espace très anciennement traversé et que, si on s'intéresse surtout à la période contemporaine, on avait déjà un certain nombre de villes carrefours, de villes étapes, des petites villes qui devenaient de plus en plus cosmopolites dans les années 70-80, mais où les gens venaient travailler et puis repartaient en tant que saisonniers, par exemple. Et donc c'était pas des étapes forcément vers le nord, c'était surtout des lieux où on venait chercher de l'emploi, etc. Donc on peut citer des villes comme Tamanrasset, Koufra, Agadez, dont on entend aussi aujourd'hui un peu plus parler dans les médias. Et puis on a eu une espèce de basculement, et ça c'est les travaux d'Olivier Pliez, Sylvie Brelou aussi, sur ce basculement des flux migratoires vers la rive nord du Sahara. On est plus dans les années 90, et en fait on a ces capitales nord-africaines, donc Tunis, Rabat, Oran, en tout cas ces grandes métropoles, Tripoli, Le Caire, qui vont voir arriver, ce qui est tout à fait inédit en fait, qui vont voir arriver des flux migratoires originaires du sud du Sahara. Peut-être, voilà, avec la carte, ce sera plus simple. Alors, il y avait des études qui commençaient à être faites dans les années 90-2000 sur notamment le Maroc. Et puis, peu de choses encore avaient été faites, en tout cas sur l'Égypte, par des chercheurs francophones. Donc, c'est vrai que moi, je me suis dirigée aussi vers ce terrain-là, pour essayer de comprendre un petit peu si on avait ces trajectoires-là, d'où venaient les migrants, etc., et comment ils vivaient ce territoire d'attente. Donc là, il manque bien sûr des flux, puisque en tout cas, pour ce qui concerne le couloir nilotique que j'ai étudié, on a beaucoup de migrants qui viennent d'abord de Somalie, de la Corne de l'Afrique, Éthiopie, Érythrée, et puis beaucoup du Soudan. Je vais vous donner quelques chiffres. Et en tout cas, depuis 1954, en fait, on a un bureau de l'ONU, du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, qui est un bureau régional qui est installé au Caire. Et donc, les migrants peuvent, en tout cas ceux qui veulent demander l'asile et accéder au statut de réfugié, se diriger vers le HCR, entre autres, comme acteur institutionnel. Juste pour donner voilà, quelques chiffres, vous allez voir que ceux-ci ont beaucoup évolué. En 2000, en fait, entre 93 et 2000, ils sont restés à 7000 réfugiés statutaires, c'est-à-dire des réfugiés qui avaient véritablement le statut de l'ONU, surtout des Soudanais, des Somaliens aussi. Et puis petit à petit, on a vu apparaître un peu une complexification des démarches, etc. Donc des dossiers qui ont été mis en attente, donc le temps d'attente pour avoir le statut a été de plus en plus long. Et puis on voit une diversification des nationalités aussi. Donc là, en fait, depuis les années 2000, on a vu apparaître aussi, arriver des gens d'Afghanistan, d'Irak, du Congo, de République démocratique du Congo, du Rwanda, etc. Aujourd'hui, beaucoup de Syrie. Mais en tout cas, c'était un espace refuge, c'était un pays vers lequel on se dirigeait pour accéder à en tout cas, fuir des espaces de conflits, de guerres, etc. Il y a eu, entre 1999 et 2004, un pic de réinstallation, c'est-à-dire que l'ONU a procédé à la réinstallation de 17 000 personnes vers les États-Unis, vers l'Australie, vers le Canada, etc. Ce qui a participé un petit peu à, j'aime pas cette expression, mais à un appel d'air. C'est-à-dire qu'on s'est dit, si je passe par le Caire, je peux peut-être, en ayant le statut, être réinstallée ailleurs. Mais en fait, jamais l'Égypte n'était la destination finale de ces migrants. En fait, ce qui s'est passé depuis 2004-2005, c'est qu'on a vu de plus en plus de gens arriver, de plus en plus de nationalités différentes, etc. Mais des temps d'attente de plus en plus longs. Moi, quand j'ai commencé les travaux, j'ai pu rencontrer des gens qui étaient là depuis 10, 15, 20 ans, etc. Et aujourd'hui, qui y sont encore. Donc, finalement, la destination, l'étape du Caire ou de l'Égypte s'est transformée en impasse, avec le contexte aussi de changements politiques dans d'autres pays dont sont originaires les migrants. Bref, on voit ici des photos qui ont été prises en 2005 où justement les migrants manifestent pour être réinstallés ailleurs. Donc on a cette revendication, il y a eu des grosses manifestations qui ont été médiatisées aussi. Il y a eu des morts, puisque la police a fini par intervenir pour déloger les gens qui squattaient une place justement à côté des bureaux de l'ONU. Bref, des tensions au niveau de ce lieu-étape. Pour les chiffres actuels, je vais passer rapidement... entre 2013, 2016 et 2018, vous voyez que les nationalités ont un petit peu évolué, mais pour ce qui concerne les subsahariens, en tout cas qui m'ont intéressé, on était à 60 000 personnes reconnues par le HCR, demandeurs d'asile ou réfugiés en 2016, et puis en 2018, il faudrait faire le total entre les Soudanais, Éthiopiens, Érythréens, les Sud-Soudanais, Somaliens, etc. Mais en tout cas, en très peu de temps, des volumes de demandeurs d'asile et de réfugiés qui augmentent. On voit les Syriens donc plus récemment qui ont largement explosé dans la demande de prise en charge. En tout cas, moi ce qui m'a intéressée, c'est qui s'occupe de ces migrants. Et en fait, ces lieux dont je vais vous parler, ça a été un petit peu mes portes d'entrée sur le terrain, parce que ce n'était pas forcément évident d'avoir des contacts comme ça de bout en blanc. Donc les ONG confessionnelles, ce que j'ai appelé les ONGC, et les églises missionnaires, c'est-à-dire qui dataient de l'époque coloniale notamment, ce sont les principaux acteurs qui s'occupent de ces demandeurs d'asile, de ces réfugiés, de ces migrants. En fait, il faut savoir qu'il n'y a pas de camp de réfugiés en Égypte, donc ce sont essentiellement des réfugiés urbains. majoritairement concentré au Caire, un petit peu à Alexandrie, mais c'est surtout au Caire qu'on voit ces gens se diriger. Les décomptes sont devenus de plus en plus complexes, les statuts aussi, c'est-à-dire que certains ont pu être connus comme réfugiés, mais finalement, quand le Sud-Soudan est devenu indépendant, on leur a retiré le statut de réfugié. Vous n'êtes plus en danger, vous avez un pays vers lequel vous êtes capable de retourner maintenant, qui est stable, soi-disant. Donc, y a des gens voilà, qui se sont retrouvés soit dans l'attente de papier, soit qui ont perdu leur statut. Donc les décomptes ont été de plus en plus difficiles. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement ne s'occupe pas de la prise en charge de ces migrants. Il délègue toute responsabilité au HCR, qui s'occupe d'eux avec ses partenaires. Et le gouvernement ne les considère que comme des individus de passage, alors que certains sont là depuis très longtemps. Au quotidien, on a des actes de discrimination, de racisme qui sont très fréquents, dont témoignent les migrants noirs africains. Donc une vie quotidienne qui est quand même difficile du point de vue juridique, du point de vue du travail, du point de vue de l'intégration, même si on ne parle pas de ce processus-là véritablement. En fait, c'est ces acteurs dont je vous parlais, les ONG et les partenaires du HCR, on en a deux types. On a ceux qui sont internationaux, reconnus, donc comme Caritas ou comme Catholic Relief Services, qui est à peu près la même chose, l'équivalent aux États-Unis. Donc ça, ce sont des grandes ONG internationales reconnues qui travaillent directement avec le HCR. Et puis, on a aussi des ONG confessionnelles qui ont été créées localement par ces anciennes églises missionnaires dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, ils vont proposer aux migrants des écoles, des cliniques, des services juridiques, etc. Et donc, en fait, ces lieux églises qui avaient été un peu abandonnés, en fait, par les communautés occidentales qui soit étaient parties, soit étaient très réduites, se retrouvent revitalisées par l'arrivée de ces migrants. Et elles sont situées, ces églises missionnaires, essentiellement dans les quartiers centraux du Caire, les anciens quartiers coloniaux. Donc en fait, ça devient vraiment des repères pour l'ensemble de ces migrants. Je vous montre quelques exemples. Vous avez par exemple l'église All Saints, la première ici, qui est située au centre-ville. Et qui est anglicane et qui a créé son ONG Refuge Egypt. Celle du bas, c'est St. Andrews, qui est luthérienne et qui a créé STARS, donc St. Andrews Refugee Services. Et puis celle-ci, donc, c'est une église catholique qui a été fondée par des Comboniens, donc c'est un ordre catholique qui est né en Italie, mais qui a beaucoup travaillé au Soudan et en Égypte. Depuis quelques années, quelques décennies. Pareil, ils ont ouvert un certain nombre de services pour les migrants. Donc on voit apparaître, là je vous parle de ces lieux en fait religieux qui ont changé de fonction en quelque sorte, on voit apparaître donc à l'intérieur des cours d'églises des agrandissements, alors soit avec des préfabriqués, soit des nouveaux bâtiments carrément comme on voit sur la gauche de cette photo, qui sont en fait devenus des salles de classe, des salles où on peut venir suivre des formations, des cours d'informatique, etc. Et puis où tous les enfants, les adultes de différentes origines et de différentes confessions se mélangent. Donc des véritables lieux de sociabilité au centre de la ville et qui deviennent des repères connus en fait par toute la communauté migrante. Mais ces églises missionnaires ne se sont pas contentées de proposer uniquement ces services sociaux. Elles ont aussi, alors je ne sais pas si vous allez bien lire, proposé petit à petit des services religieux dans la langue d'origine ou selon les rituels d'origine de chacun de ces groupes de migrants. Donc on voit, par exemple, à Saint-Jean, on voit des messes ou des cultes, on va dire plutôt en langue anglaise. On a la Korean Community Church, on a l'Église évangélique en français, on a l'African Fellowship, on a la Sudanese Community Church, donc tout ça dans un même lieu. Et selon les jours de la semaine, on a des cultes voilà, qui se succèdent. Et puis ici, bah, pareil, on a le service pour les Éthiopiens érythréens, les Soudanais Dinka, donc qui parlent le dialecte Dinka, etc. Donc on a une offre de services religieux qui se développe à l'intérieur de ces anciennes églises missionnaires également. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir aussi avec ma collègue Sophie Bava, voir arriver des prêtres ou des pasteurs qui venaient des pays dont sont originaires les migrants pour pouvoir mieux satisfaire une certaine demande. Donc on a parlé de néo-missionnaires dans certains de nos travaux. C'est-à-dire que pour répondre à cette demande, on a vu venir en Égypte ben, des pasteurs ivoiriens, par exemple, pour répondre à, en tout cas pour servir une communauté africaine francophone pour ce qui est de la photo du bas, par exemple. Donc on a une africanisation aussi de ces anciennes églises missionnaires, puisque j'ai rencontré quelques prêtres italiens ou quelques pasteurs suisses, belges, etc., mais qui étaient souvent âgés et qui finalement se faisaient assister de plus en plus par des gens originaires d'Afrique. Ce qui est intéressant aussi, alors peut-être pas pour avoir à l'échelle de la ville, la carte n'est pas la plus jolie qui soit, mais en fait en rouge vous avez les quartiers périphériques de migrants, les principaux quartiers où sont installés les migrants. Et puis en bleu, vous avez ce centre-ville moderne qui inclut ici en fait les anciens quartiers coloniaux. Et donc vous voyez les principales églises missionnaires, ce sont les croix noires. On en a un petit peu dans le quartier de Mahadi, qui est aussi un quartier aujourd'hui où sont concentrés les expatriés occidentaux. Et puis surtout, les trois autres principales sont dans le centre-ville moderne. Donc ce qui a été intéressant, c'est de voir que petit à petit, en fait, moi, je comprenais d'abord que ces migrants qui vivaient en périphérie, donc souvent le long des axes du métro, se rendaient régulièrement au centre-ville pour bénéficier de services sociaux ou religieux. Donc ça participait à leur appropriation de la ville, même s'ils connaissaient souvent qu'un seul itinéraire. Ils se retrouvaient dans ces lieux de sociabilité centraux. Mais en fait, j'ai vu aussi que pour répondre à une demande périphérique, des prêtres ou des pasteurs de ces églises missionnaires se déplaçaient aussi progressivement, quotidiennement, vers les quartiers de migrants en périphérie. Donc on avait des espèces de forces là, centrifuges, centripètes, entre le centre et périphérie de la ville. Et là, juste pour vous donner un exemple d'un quartier, je vais vous parler surtout de celui qui s'appelle Arba Ounous, ça veut dire le quartier 4,5. Donc pareil, c'est un quartier très, très populaire, très récent, spontané, on appelle ça, c'est-à-dire auto-construit hein, par les habitants. Mais on est à plusieurs dizaines de kilomètres hein, du centre-ville. On voit, alors malgré l'interdiction, des prêtres, là en l'occurrence, qui se charge d'aménager des étages d'immeubles, puisque c'est comme ça que ça se fait en Égypte. Hein. On construit des étages en briques, comme on voit ici. Et donc, c'est devenu... là, on est entre 2010, la première photo, et 2011, la deuxième. En un an, on a aménagé carrément une petite salle de prière. Alors, contre malgré l'interdiction des autorités, parce qu'il faut savoir qu'en Égypte, on est quand même dans un contexte particulier. On n'a pas le droit de construire, bien sûr, une nouvelle église comme ça n'importe comment. Il faut qu'une distance entre les mosquées soit respectée, la hauteur des bâtiments aussi. Donc souvent, c'est quasiment en fait impossible. Et donc, ce sont des lieux qui, là aussi, informels, qui ne sont pas reconnus par les autorités, mais où les migrants viennent tous les dimanches, ou en tout cas de chaque semaine, prier quotidiennement. On a vu aussi dans plusieurs cas des centralités marchandes naître à côté de ces églises missionnaires. C'est-à-dire que c'est devenu tellement des points de chute, des repères et des lieux fréquentés par les migrants, que souvent, à côté de l'église, on a vu apparaître un petit cybercafé, une petite épicerie, ou un salon de coiffure, ou un restaurant, etc. Et donc, ça a participé à la fabrique aussi de la ville par ces migrants. Et souvent, voilà, c'est à Mahadi ou dans le centre-ville qu'on voit apparaître. Alors là, c'est un petit marché de rue, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a carrément une boutique aussi en dur qui a été construite. On est juste à côté, hein, c'est dans la même rue, mais qui jouxte véritablement l'église des Comboniens dont je vous parlais tout à l'heure, l'église du Sacré-Cœur. Donc on a des Égyptiens et des Soudanais qui se croisent, qui ne sociabilisent pas forcément beaucoup plus que ça, mais en tout cas, ce sont des lieux que tous les Soudanais connaissent. Là, c'est un petit marché, il y a plusieurs boutiques comme ça, mais pas beaucoup, hein, qui sont à côté. C'est un marché qu'on appelle le Souk Seta, donc le marché numéro 6, du nom d'un marché qui existe à Khartoum, au Soudan. Donc on a aussi dans la toponymie des transferts, comme ça, de noms de lieux, liés aux migrations. Alors, ma deuxième partie, c'est plus comme ça suit un peu la même logique que votre exposé tout à l'heure. Là, j'ai parlé plutôt du côté institutionnel et des églises d'origine missionnaire reconnues qui accueillent ces migrants. Et en fait, je me suis bien sûr après intéressée, en faisant des entretiens avec les migrants, à leurs propres pratiques, leurs propres croyances. Et puis, à travers les entretiens, je me suis rendu compte que celles-ci étaient mobiles pendant la migration et pendant le temps d'attente au Caire. Et donc là aussi, j'ai essayé de faire une petite catégorisation de mobilité religieuse chez ces migrants. Alors le butinage, je reprends une expression de Védio Soares, puisque j'ai aussi rencontré, vous allez voir, des migrants qui fréquentent plusieurs églises à l'intérieur de la ville du Caire. Donc c'est ça qu'il a appelé aussi le butinage. Première catégorie, c'est en tout cas une majorité de migrants que j'ai pu rencontrer vont croire plus intensément pendant le temps d'attente au Caire, mais aussi vont s'adapter au contexte majoritairement arabo-musulman et dans l'espace public, justement, vous allez voir avec des extraits d'entretien, vont peut-être être plus discrets par rapport à la croix qu'ils vont avoir autour du cou, la Bible qu'ils vont porter dans la main. Voilà, il y a des choses qui vont se faire un peu plus discrètement quand on est dans la rue, mais pas quand on est dans l'église en tant que tel. Là, je vais vous citer un migrant donc, qui vient du Soudan, qui est arrivé en 2000. Je ne sais plus, l'extrait est en tout cas de 2010. Il dit, donc c'est les mêmes pratiques ici. Au Soudan, tu vas ouvertement dans la rue où tu veux. Ici, tu ne vas pas en dehors des églises. Ici, tu ne peux pas montrer tes pratiques comme tu veux. Oui, la religion a pris une place un peu plus importante. Tu ne peux pas être courageux sans la religion. Donc, une espèce de croire plus, mais plus discrètement, qui s'est développée. Chez un autre sud-soudanais également, il dit « Je sens des différences quand je prie ici, c'est un pays musulman. J'ai été au Fayoum, donc c'est une oasis en fait qui est en périphérie du Caire. Et il dit « Je portais une croix autour du cou. À l'arrêt de bus, on m'a demandé si je parlais arabe, on m'a demandé pourquoi je portais une croix et si je venais pour ça, sous-entendu pour convertir les Égyptiens. » Le prosélytisme étant interdit prosélytisme chrétien étant interdit en Égypte. Et dit, plusieurs personnes m'ont menacé ensuite. Ici, il y a la police devant toutes les églises, ce n'est pas sûr. Donc un sentiment d'insécurité aussi lié à ces pratiques religieuses qu'ils pouvaient exercer avant. À l'intérieur de l'église, c'est pareil qu'au Soudan, il n'y a pas de différence, c'est pareil pour chaque catholique dans le monde, même si les prêtres ne sont pas soudanées. La Bible est souvent en deux langues, en anglais et en arabe. Donc, on voit qu'il y a des adaptations qui se font. Et donc cet engagement plus intense dans la foi en général, mais dans l'espace urbain, une nécessité d'être discret par rapport aux signes religieux visibles. Le deuxième point, c'est pour revenir à la question du butinage entre les églises. C'est vrai qu'on a des circulations entre différentes églises qui peuvent être temporaires ou durables chez certains migrants. Alors je mets des guillemets, mais c'est vrai qu'il y a aussi des pratiques qui se rapprochent de ce qu'on pourrait appeler des stratégies, puisque par exemple pour un prêtre combonien, lui il dit, il est originaire du Kenya, il dit les Soudanais n'ont pas de racines chrétiennes très profondes. Quand ils migrent, ils ne cherchent pas toujours la même identité religieuse de départ. Au Caire, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je gagne avec telle ou telle foi. Il est un petit peu méprisant aussi hein, par rapport à cette question-là. Ils cherchent l'assistance avant tout. Ils peuvent se faire rebaptiser et se reconvertir chaque semaine. Ils ont une carte de l'Église catholique, orthodoxe, protestante. Mais en fait, c'est vrai que ça a été aussi étudié par une anthropologue qui s'appelle Fabienne Le Houerou. Le Houerou, H-O-U-E-R-O-U, qui fait des films aussi. Hein. Qui fait des films, voilà. Elle s'est intéressée au quartier Arbaouns, dont je vous parlais tout à l'heure aussi, et elle s'était intéressée à l'église copte orthodoxe du quartier, qui en fait, en échange d'un sac de riz ou d'un bon, voilà, pour acheter de la nourriture, demandait aux migrants de se convertir à l'orthodoxie. Donc, c'est des stratégies aussi de la part de l'Église orthodoxe qui existent. Mis à part ce point-là, comme on réfléchit aussi dans l'espace, il y a tout simplement aussi des logiques de proximité qui existent. Et donc comme ces quartiers périphériques de migrants sont souvent très éloignés du centre, que les gens ne se repèrent pas forcément très facilement dans cette ville un peu tentaculaire quand même et pas facile à appréhender quand on vient d'arriver. En fait, certains, qu'ils soient catholiques, protestants, vont aller dans l'église qui est la plus proche de chez eux, à défaut d'avoir trouvé finalement leur église d'origine. Donc là, pareil, un extrait d'entretien. Elle dit, ici, à Ayalacher, c'est un autre quartier près d'Arbaouns, il n'y a pas d'église catholique, elle est seulement à Sakakini, et c'est trop loin. Donc on a rejoint, avec son mari, une église évangélique. Chaque église évoque la parole de Dieu, je ne peux pas rester à la maison sans prier, ma base est catholique, donc j'y reviendrai sûrement. Et j'ai vu dans l'autre sens aussi, des protestants qui pouvaient se rendre à l'église catholique, parce qu'elle était plus proche que l'autre. Et puis, le dernier cas, c'est ces pratiques qui consistent à fréquenter une église institutionnalisée, c'est une église missionnaire reconnue, etc., avec une messe qui se fait dans la langue d'origine, par exemple, et puis une autre petite église à côté. Et en fait, c'est là où je me suis un petit peu rendu compte qu'il fallait que j'élargisse mes lieux que j'avais déjà cartographiés, puisqu'en fait, je comprenais progressivement que dans les églises missionnaires, certains fréquentaient les cultes, les messes très connues, etc. Mais quelqu'un m'a dit un jour, mais moi j'ai aussi mon église noire, et qui n'était pas, elle, recensée dans les listes d'églises de la ville du Caire. Donc, c'est là où le chercheur doit aussi, par les entretiens, comprendre qu'il y a des lieux qui, informels, invisibles parfois, qu'il faut aller chercher. Donc là, pour l'exemple, c'est un Sud-Soudanais qui fréquente chaque vendredi donc à Mahadi Community Church, l'église dont je parlais tout à l'heure, le grand culte pour les Africains en anglais. Qui est très connu de tout le monde. Certains vont juste même là-bas pour fêter Noël parce qu'il y a un grand spectacle, très bien organisé. Voilà, c'est très festif, etc. Et donc à côté, comme il parle zandé, il a une autre messe, mais catholique cette fois, qu'il va suivre toutes les semaines également. Donc deux églises toutes les semaines fréquentées par ce protestant sud-soudanais. Oui, là, c'était juste pour vous montrer à quoi pouvaient ressembler aussi ces quartiers périphériques de migrants, ces quartiers un petit peu spontanés, autoconstruits, voilà, avec des routes qui ne sont pas forcément toutes goudronnées, des difficultés à circuler, enfin voilà, à pied, le fer, c'est pas forcément le plus facile. Et là, c'est une rue d'Arbaounous, justement, où on voit voilà, des enfants égyptiens et soudanais ben, finalement qui jouent ensemble dans la rue. Donc on a quand même dans ces quartiers aussi des contacts qui se font un peu plus que dans le centre-ville. Voilà. Et donc voilà, pour terminer sur les mobilités religieuses de ces migrants, ce que j'ai peut-être le plus observé aussi, ce sont des conversions de migrants qui étaient, conversions, voilà, avec des guillemets peut-être, parce que ce sont surtout des catholiques, ils sont partis catholiques et ils se sont convertis au protestantisme évangélique, soit pendant la migration, soit pendant le temps d'installation au Caire. Donc là, c'est aussi un extrait d'entretien d'une Camerounaise qui était catholique et puis qui a été attirée progressivement par le protestantisme évangélique. Elle dit « Au début, j'allais à Mahadi Community Church, au service anglophone, donc qui s'appelle Africa Live. Tous les Africains vont là-bas, c'est connu, mais finalement, l'anglais, c'était difficile. Je ne comprenais rien, alors j'ai arrêté. » Et puis le pasteur camerounais du Christ de la Nouvelle Alliance, c'est le nom d'une église, que je connaissais en tant qu'ami, m'a proposé de venir à son culte. Je vais vous en reparler tout à l'heure, parce que lui, il était footballeur professionnel et il s'est autoproclamé pasteur en Égypte, sans avoir suivi de formation. Je suis venue une première fois, j'ai arrêté, puis je suis revenue, j'avais peur. Je suis une catholique au départ, j'avais peur des cris, des envoûtements. Petit à petit, j'ai apprécié, je ne crie pas encore, mais j'aime bien. Je comprends mieux quand le pasteur parle, à la fois la langue, mais aussi les propos qui sont, d'après elle, plus compréhensibles. Il prend la peine d'expliquer les choses, il est proche des fidèles, etc. Donc c'est vrai qu'on a souvent des thèmes qui reviennent durant le culte, le thème des papiers, le thème de la migration, le thème du mariage en Égypte, le thème du... Et tout ça, bon, c'est lié au protestantisme évangélique aussi en général, hein, cette facilité d'accès, cet aspect démocratique aussi où chacun peut venir témoigner, etc. Donc ça va attirer aussi un certain nombre de migrants. Et alors, dernière partie, à propos de ce protestantisme évangélique, justement, certaines de mes conclusions sont allées dans le sens de dire que, en fait, c'était à l'intérieur de cette sphère particulière que les migrants trouvaient des leviers d'ancrage plus faciles, en fait. J'en parle pour le religieux en général, mais c'est peut-être à l'intérieur de la sphère protestante évangélique que ces leviers d'ancrage étaient les plus forts pour un certain nombre de ces migrants. En fait, quand j'ai découvert ces petites églises ou cellules ou protestantes évangéliques, pentecôtistes à l'intérieur du Caire, etc., je me suis rendu compte que les pasteurs de ces églises, ils n'étaient pas forcément... Certains étaient autoproclamés, certains avaient suivi des formations, certains avaient eu des révélations en Égypte, etc. Et donc avaient décidé de fonder leur église, alors qu'à la base, ils n'étaient pas du tout dirigés vers cette mission-là. Donc ça peut être des footballeurs professionnels, des informaticiens, des voilà. Mais le fait d'attendre au Caire et puis peut-être ensuite d'avoir ces révélations, de, de rentrer plus dans cette foi plus intense, etc., ben certains ont découvert de nouvelles missions religieuses véritables au Caire. Et donc, on a vu apparaître là, c'est l'église Mahadi Community Church, donc, qui est une église évangélique d'origine américaine, états-unienne, qui est bien implantée à Mahadi, là, dans le sud du Caire. Et donc, qui propose des formations qui est particulière, qui a rencontré un succès vraiment important chez les migrants, notamment nigérians et soudanais. Et on peut suivre alors des formations payantes entre quelques mois à 2 ans pour devenir soit leader, soit pasteur carrément. Et on a des remises de diplômes qui se font chaque année. Et donc après, le but pour Mahadi Community Church, pardon, le but c'est que tous ces gens créent leur daughter church ou leur baby church à l'intérieur de la ville, voire au-delà. Donc c'est ce qu'on a appelé aussi avec Sophie Bava la figure du migrant pasteur, puisque ce sont d'abord des migrants qui ont découvert cette vocation durant leur migration et leur temps d'attente au Caire. Donc voilà juste le témoignage de Patrice, le pasteur camerounais dont je vous parlais tout à l'heure. Lui, il est arrivé donc en tant que footballeur professionnel. Il pensait qu'il allait rejoindre la Lituanie pour une compétition. En fait, il s'est fait abandonner par son passeur au Caire. Il est arrivé en 2006 et il est toujours en Égypte aujourd'hui. Il dit donc, j'ai voulu me concentrer sur les réunions de prière, rassembler les Africains autour du Christ. Le but était de rassembler un maximum de personnes autour de la foi. Elle se vit partout, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. La voie du football s'est avérée en fait celle du Seigneur. La mission de l'Église, c'est aller annoncer, faites de toutes les nations des disciples. La parole que nous prêchons, c'est pour faire des disciples. Et les occasions, c'est le Seigneur qui les crée. Donc ça a été évident pour lui à un moment donné, au bout de quelques temps au Caire, qu'il devait se charger de rassembler des chrétiens autour de lui. Et en fait, ce qui nous intéresse aussi là, en tant que géographe, spécialiste de la ville, puisque c'est le propos, c'est que ces petites églises n'ont pas forcément le droit d'exister, elles ne sont pas forcément enregistrées dans les services institutionnels égyptiens, etc. Donc, là, on va trouver aussi des moyens de trouver des lieux, en fait, pour rassembler les gens. Donc, on voit des églises de maison qui sont, alors, soit individuellement, soit collectivement. Là, c'est aussi un salon qui a été aménagé en petite salle de prière. Mais tout ça se fait à l'intérieur d'appartements, donc des choses qui sont invisibilisées du fait du contexte local plus contraignant. Donc il faut chanter moins fort, il faut mettre la musique moins fort, puisqu'on a souvent des plaintes de voisins, etc. Donc c'est quand même des adaptations, des pratiques qui sont très très fréquentes. On a aussi parfois, là en termes de lieu, ici c'est une association soudanaise qui occupe ses locaux la journée. Et en fait, c'est le fameux pasteur camerounais dont je viens de vous parler, qui est en photo ici, il sous-loue une pièce le soir pour rassembler donc son église pentecôtiste en échange d'un peu d'argent. Donc on a des lieux comme ça qui le jour ont une certaine fonction et puis le soir en ont une autre. Et en fait, ce qui a été intéressant, c'est de découvrir... Oui, j'ai presque terminé. De découvrir qu'en Égypte, en fait, il y a les coptes orthodoxes qu'on connaît le plus, mais il y a aussi des coptes protestants et des coptes catholiques. Et donc les coptes protestants, qu'on appelle aussi les coptes évangéliques, ont parfois leur lieu officiel, leurs églises, qu'ils ont accepté de prêter à des petites églises africaines. Donc là, on a un partage de lieux de culte qui profitent en fait à ces petites églises africaines. Alors ça peut être des petites... On a l'église en fait ici à gauche, hein, le grand bâtiment officiel qui ressemble à une église. Et puis à côté, donc sur la droite en fait, c'est la photo qui est ici, une petite salle annexe où on a une église éthiopienne qui se rassemble. Mais vous voyez, certains sont obligés de prier dehors tellement l'espace est réduit. Donc là aussi, des contraintes de lieu. J'ai d'autres photos d'églises évangéliques comme celle-ci, c'est la même. Donc on a le portail et puis l'intérieur de la cour et au fond le bâtiment où les gens prient. De l'extérieur, on ne peut pas deviner que c'est une église. Mais là aussi, on a des Égyptiens, des Nigérians, des Camerounais, des Congolais, des Coréens, dans le même lieu, le même bâtiment, qui se succèdent, que ce soit dans la semaine ou même dans la journée. On change les décors, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est exactement le même espace, et on pratique voilà, des cultes différents. Et c'est l'accord, avec l'accord des Égyptiens évangéliques, que des Coptes évangéliques, que cela peut se faire. Bon, là, c'est pareil, c'est le même principe. Juste pour terminer avec cette idée que, en fait, l'appropriation du territoire, c'est pas seulement le territoire urbain, en fait, dont il s'agit, c'est carrément toute l'Égypte, au fur et à mesure de l'analyse des discours que je faisais, c'est toute l'Égypte et son histoire aussi biblique qui a été réappropriée par les migrants. Et donc, on peut entendre voilà, très régulièrement ce genre de phrase « Dieu nous a guidés ici, il nous a stoppés ici ». On ne voit pas l'Égypte sur le plan physique, il faut voir l'Égypte sur le plan spirituel. L'Égypte est vaste et tout est possible. Les conditions de vie sont difficiles, mais à côté de ça, l'Égypte me manque déjà. Donc c'était un étudiant togolais qui allait partir. J'ai laissé une partie de moi-même ici, j'ai vécu des moments forts, le côté spirituel, le vrai sens de la religion, c'est ça qui va me manquer, pas les pyramides. Donc on a une resymbolisation vraiment du territoire du Caire, mais aussi du territoire égyptien tout entier, du fait de cette attente qui a pu durer, du fait de ces épreuves rencontrées pendant la migration, du fait de ces expériences religieuses vécues, etc. Et juste pour le petit... le dernier exemple, c'est qu'on a aussi beaucoup de... Ceux qui le peuvent, en tout cas, vont aller se rendre dans les autres lieux de pèlerinage, les lieux saints. Donc là, le mont Sinaï, par exemple, va être visité par un certain nombre de migrants qui ont les moyens de s'y rendre. Autre extrait, il y a quelque chose de spirituel ici, selon les Saintes Écritures. Jésus-Christ est venu. Moïse aussi, il a fallu qu'il vienne. L'Égypte a une histoire, les Africains abondent ici et ce n'est pas un hasard. Il y a une effervescence maintenant. Certains quittent même l'Europe ou l'Asie pour venir. Donc, maintenant, c'est vraiment des migrations volontaires pour venir en Égypte. Une force attire ici, c'est biblique, une prophétie est en train de s'accomplir. Voilà. Et juste pour le dernier lieu dont je voulais vous parler, c'est je reviens au Caire. On est à Mahadi, et c'est une église, cette fois copte orthodoxe, qui est sur les bords du Nil. Et c'est le lieu, en fait, d'un miracle qui a eu lieu en 76. On a découvert juste, on a l'entrée de l'église est derrière, en fait, le Nil. Sur le Nil, une Bible qui flottait au chapitre d'Isaïe, donc justement, où... on parle de « béni soit l'Égypte, mon peuple », etc. Et donc, là aussi, certaines églises évangéliques africaines ont repéré ce lieu de miracle et ont demandé, non pas à prier à l'intérieur de l'église copte orthodoxe, mais à pouvoir accéder à la berge en fait, du Nil pour pouvoir effectuer des baptêmes, des nouveaux convertis, etc., dans les eaux du Nil, etc. Donc, on a voilà, des... territoires comme ça, anciens, nouveaux, coptes, bibliques, évangéliques, catholiques, protestants, orthodoxes, etc., qui se rencontrent, qui se croisent, qui se superposent, et qui font que finalement, c'était dans ma conclusion plus peut-être mieux dit, que le religieux est bien, comme je le disais tout à l'heure, un levier d'ancrage pour ces migrants dans la tente. Le religieux sous toutes ses formes qu'on vient de voir, anciennes, récentes, toutes les tendances confondues, matérielles, immatérielles, etc. Que le milieu urbain est particulièrement propice en fait à ces rencontres de personnes, de territoires, de réseaux, etc. Peut-être que ça ne serait pas tout à fait la même chose dans des plus petites villes, dans des villes qui n'ont pas la même histoire, ou dans des villages, forcément. Et on voit en fait un peu les mêmes logiques, selon les travaux à Tunis, à Oran, à Rabat, ces anciennes églises missionnaires qui accueillent des migrants africains. Donc voilà, on voit un peu les mêmes logiques se faire. Et puis, ce cas particulier du protestantisme évangélique, dont je parle depuis tout à l'heure, qui paraît particulièrement adapté au contexte de l'exil, mais aussi aux interstices urbains. Et là, je reprends un petit peu les propos d'André Marie dans un de ses articles de 2009 sur africanité et christianité. Voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai un peu dépassé.